Des années, des années, des années qu'on côtoie le business, qu'on contrôle la zone. J'ai perdu des amis, des amis, des amis pour histoire de fessier au problème de monnaie. Je suis te kiffé comme tout pas qu'on l'aise on me. Je suis dans les affaires, je dois construire ma zone même. Check pas de l'épaule, t'es pas de la famille. Collaboration des Ngati Abedi. Ngati Abedi, Brazzaville, Monaco, Paris. Samedi sort le Saint David. Le bail vient du safari. Le bail vient du safari. Les ennemis, je ne peux plus les compter. Chez moi, fallait pas me chercher. Les fruits d'un effort finissent par payer. Toujours fidèle, c'est la rue qui m'a validé. Double disque de platine en chapeau. À la Madrid dans la quétale. Une avance sur mon poignet. Je suis l'enfant béni, dis-leur bien que j'ai la baraka. Respecte-moi, fils. Mon parcours est simple, il est honorable. Les millions de vues sur net ne vont pas l'artiste. J'ai pas senti la gloire, j'en parle d'odorat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon négro, c'est gamin. J'ai dit marque le pas, marque le pas, j'ai dit marque le pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vendez-moi si j'ai mis les vols. Je ne peux pas réparer tous les pots cassés. Qui t'a changé mes habitudes, la rue me tue. Oublions le passé. Vendez-moi si j'ai mis les vols. Je serai pas mon avenir. Je vais partir sans des radios, sans des radios, sans des radios. Mes ennemis dans le caniveau, maintenant je passe à la radio. Je vais partir sans des radios, sans des radios, sans des radios. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vendez-moi si j'ai mis les vols. Je ne peux pas réparer tous les pots cassés.